controlas. Moviendo como tú no hay otra. Mi corazón se me explota. Te haces al baile sola. La vista tú la descontrolas. Moviendo como tú no hay otra. Mi corazón se me explota. Unos tragos se embriagaron. Nos perdimos, olvidamos. Y nunca más nos encontramos. Malinterprete mi intención. Es que no aguanto la ganas. Capitán. Más flow, dos. Héctor el Bambino. Héctor el Bambino. Wisin y Yandel. Tony Tuntún representando un junte para la historia. El Más Flow 2. ¿Entiendes? No más ningún otro disco. Luni. Lo único que te falta unir es a Bush y a Bin Laden. Thank you. Música sabrosa que normal c'est de la frappe. A cheval sur la canne de pierre, torse nu comme Poutine Vlad. Passe-passe dans la capessa, y'a des kilos de peur dans les balisas. J'veux à Ibiza, des bouteilles en fusillade, j'ai cramé la visa. Et ça fait ce passé par un bol choyer, vodka, coca, d'as, vidania. Tu me crois, partement pédou, tu te retrouves au monde de Narnia. Pas le même véhicule, pas le même véhicule, pas la même sécule, pas le même rhum. J'arrive comme Tony, j'arrive comme Zepp, incarné comme dans la cité des hommes. Pa' verte, si tú te llamas privado, te espero por

Alicante. Le guetteur qui crie aha, Alba au quartier. Ma brunette me chapeaute paille, j'te fais voyager. On se verra loin de là, en Alicante. Le cigare de Cuba, des gaines arbi de Savastano. J'suis poussé par des six, la mise calée à la mise à l'eau. Ton petit boule dans la petite cuisine, dans la porte ça la résine. Il se met en fufu, cette année c'est nous et ouais la zine. Cette année j'pète tout sur Pépé. Thank you. dans ce col de serre. You can find me in the club, bottle full of blood, my mind got what you need if you need.

dans nos têtes, ça va pas. Ce soir, c'est la mala. J'te fais visiter les cocotiers. Tous les TG jobé au quartier. 10, 20, j'te sers, on me dit Gambino, c'est la fusée. Jolie femme veut danser. Chante des jeunes sans lasser. Y'en aura pas assez. J'ramène tout le quartier. Cette fille-là, elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher. j'suis sous Jack comme en bendo. J'fais repérage de femmes sur les réseaux. J'ai vu ses lolo. Elle m'a pas follow pas quand je l'ai follow. Elle fait la go, qui connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé, elle a dansé ma go. Elle fait la go, qui connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé. Hoe het bijna horen toch daar wat ik zie met blast me. Jij noemt dat die dekke guten morgen schat. Mach mal paar Eier und press mir orange in der Akkus. Die Kräfte sammeln die wie gestern Nacht. In deinem Bett zusammen mehrere Stunden lang. Freiheit aufgelassen hab. Babys machen nur Fest, aber kann aber blasen. Am Ende des Abends bei dem, der die Rechnung mit hat. Denn wir wissen doch alle, das ist nur ein Pate Geld. Und ich zahle gar nichts. Komm mit Kapur, Mercedes, AMG, GT, lacht mal Kamufla. Hoch und Töchter wollen mit meiner Präsidents mit Sex im Leben, Meridia. Brat wie gefickt, nie ohne Gummi, denn es kann sein, dass du einen Huren so bekommen. Oder du glaubst mir notiert, dass sie die Pille nimmt, der Robonchance. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, ja. Damals wollte mich noch keine Bitch, ja. Heute kein Flussi, was dann gebildet. Heute folgt mir, leck meine Bilder. Meine Bilder. Like meine Bilder. Meine Bilder. Du dünne Frau wie, ja. J'suis sous Jack comme en bendo. J'fais repérage de femmes sur les réseaux. J'ai vu ses lolo. Elle m'a pas follow pas quand je l'ai follow. Elle fait la go, qui connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé, elle a dansé ma choré. Elle fait la go, qui connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé, elle a dansé ma choré. J'ai sorti ma marque, sorti ma trappe. Les rappeurs m'ont pris pour leur modèle. Devant la maille, devant les femmes, trop de principes pour rester modeste. Les types ont cramé nos dix, les bitches ont capté nos vices. J'fais des avances à sa maîtresse, mon fils joue à la play dans la buitette. Fais bien les choses, la vie c'est traite. Le fils du voisin joue à la dinette. J'ai pas l'argent par la fenêtre, tu finiras le nez dans la cuvette. Pendant la crise, j'ai volé sans voyager. Donne-moi la caisse, gros j'ai dit bah moi l'argent. J'suis sous Jack comme en bendo. J'fais repérage de femmes sur les réseaux. J'ai vu ses lolo. Elle m'a pas follow pas quand je l'ai follow. Elle fait la go, qui connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé, elle a dansé ma choré. Elle fait la go, qui connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé, elle a dansé ma choré. Mais qu'est-ce qui s'est passé ma belle? Allez danse sur ma choré. Allez danse sur ma choré. On prend le monde, on prend le peuple, la moula. Le bédou, le petit chapeau, c'est derrière. On fait trembler tout le jack Algérie. C'est ce que je fais la mal Algérie. On prend le monde, on prend le peuple, la moula. Le bédou, le petit chapeau, c'est derrière. On fait trembler tout le jack Algérie. C'est ce que je vends de la moula, y'a le zin qui va se marier. Chapeau de paille dans le secteur, j'suis cramé. Cette année sous les palmiers, toujours en total ND. On prend le monde, on fait trembler ton quartier. J'suis comme un monte à l'icône. Yo yo yo yo. On est au bled sur les broliques. Derrière, derrière. Le poteau il t'éminique. Moula, moula. Demande à oiseau en linique. Hey, wa, hey, wa. J'dis ça la fin de la vie, t'as fait mal à mes pistes. J'ai pris le monde, j'm'en balaine de ta mise. Ils sont jaloux dès que j'ai vu le vice. Mon pote qui est une le pâte il glisse. Termine le pétou, les uns en style Alger. J'me taille vers la côte avec un flan bonné. Topino c'est moi, j'sais que ça aime la prévienne. Le gérant a fait sa peine de combat trafiquant. Cet été j'fais la mal à Algérie. On prend le monde, on prend le peuple, la moula. Le pétou, le petit chapeau, c'est derrière. On fait trembler tout le check Algérie. Cet été j'fais la mal à Algérie. On prend le monde, on prend le peuple, la moula. Le pétou, le petit chapeau, c'est derrière. On fait trembler tout le check Algérie. Mon pote a purgé, il lui reste encore une peine. Il a déjà la juge normale, tu le sens de la veine. On est déragé, on prend le monde par centaines. C'était des Henschladje ou peut-être Moussaganem. J't'emmène en balade, on voyage sur la côte. Ils sont jaloux, j'ai le talent, le zen, c'est pas ma faute. J'm'emballe avec de ta copine, m'emballe avec de ta cote. J'm'emballe avec des présidentielles pour le peuple, je vote. Ce soir on fait halal. La la la la. Tout le tic, la vodka. Ga ga ga ga. Tactique les jaloux. Ouloulou. Albino, on prend tout. Tout. Mon pote qui a dégusté chez Ratonne. Cette année dans la cellule, j'fais danser la matonne. En votant pécule, j'ai fait rentrer la tonne. J'veux le montrer 0. On fait trembler tout le Tchèque Algérie. Tacata, oye, para la gente que le gusta el tacata.

Take them all down. Give me some more. And watch my mind. All of my people. Singing in the store and throw your whistle. Oh no. All of my people. Feel you around the sky. There is